Vas-y, effrayé, doucement, te suivre. Putain, attends, allez, oh. Putain, tu m'as dit que sortait tout le temps la même heure. Attends, attends, doucement. Il arrive là, doucement. Putain, putain il est là, il est là. J'ai l'impression de plus sentir mes jambes, l'impression de quitter les miens. Peu à peu me hante, où suis-je? Entre la vie et la mort, ton capas me ramènera vers la vie et un autre vers la mort. Putain, Seigneur, je n'ai pas envie de mourir. Ma femme porte la vie et de cette vie, j'aimerais avoir un petit sourire. Mes paupières sont de plus en plus lourdes, clignent de plus en plus vite et ma joie, elle. De plus en plus sourde à cet instant précis. J'aimerais faire tout ce que je n'ai pas pu. J'entends des voix d'enfants m'appelant papa et d'autres papy. Je revois vitesse grand V tout plein de bons moments. Repense à ma maman, à ma femme, mon bel amant. J'ai l'impression d'entendre des voix. Putain, t'as déconné, c'est même pas lui. Oh putain, j'étais comme un homme fier, je retourne à la terre. Perdant ma vie, les prix, les biens pour satisfaire. Oui, mais quand même, quelle cause me faites-vous payer? Mon sang coule, mais mon cœur ne peut se vider. Comme un homme fort, abattu comme un porc. Même leur raison ne pourra jamais me donner tort. La haine me vole mes aimés. Une balle pour les larmes et le reste reste au passé. Eh bien c'est bizarre, je sens une odeur qui m'est familière. Ça donne ma pauvre femme enceinte en train de faire une dernière prière. Si tu m'entends ma chérie, te sens surtout pas coupable. Fais seulement en sorte que ta détresse soit pas trop longtemps palpable. Car chacun a son destin, attaché à son cou. Et on ne peut reprocher un aveugle incrédule de voir flou. Si tu marches vite, tu attrapes le malheur. Si tu vas lentement, eh bien c'est le malheur qui t'attrape. Trouve un bon père plutôt qu'un beau père à celle-ci. Dis-lui que son père est au paradis à la droite de notre Messie. Dis-lui que je l'aime et en plus que je l'ai aimé. Appelle à Emma, pas du nom Emmanuel mais du verbe aimer. C'est angoissant de savoir dans l'heure qui suit on ne sera plus. Je n'ai jamais imaginé que c'est de cette manière que ma vie se conclut. Comme un homme fier, je retourne à la terre. Perdant ma vie, les prix, les biens pour satisfaire. Oui mais quand même, quelle cause me faites-vous payer? Mon sang coule mais mon cœur ne peut se vider. Comme un homme fort, abattu comme un porc. Même leur raison ne pourra jamais me donner tort. La haine me vole mes aimés. Une balle pour les larmes et le reste reste au passé. C'est comme un cri de panique. Le vent tourne et la peur se fait statique. Si je crains pour ma vie, ce n'est rien quand je pense à ce que je laisse maintenant c'est fini. Maintenant la haine qui m'ont laissé me démolit. Comment leur dire que je voulais construire une vie? Maintenant me voilà gisant sur le sol comme une jeune proie. La mort me tend ses bras. Clic clic, j'en garde une juste pour les larmes. Clic clic, la deuxième pour ma fille et ma femme. Maintenant laissez-moi disparaître dans l'effort. Mais je reste une victime de vos torts. Comme un homme fier, je retourne à la terre. Perdant ma vie, les prix, les biens pour satisfaire. Oui mais quand même, quelle cause me faites-vous payer? Mon sang coule mais mon cœur ne peut se vider. Comme un homme fort, abattu comme un porc. Même leur raison ne pourra jamais me donner tort. La haine me vole mes aimés. Une balle pour les larmes et le reste reste au passé. Je vais partir comme Joseph Mohamed ou Mamadou. Comme Papson, Dylan Anthony ou bien Aïssatou. Pourquoi doit-on toujours, mec, s'entretuer? Quand la haine respire le sang, c'est rarement la dissimuler. Un de plus pour les pompes funèbres, grâce au fusil à pompe. Tu sais, il arrive même que l'erreur elle-même se trompe. On peut être héros sans être marqué du sceau de l'assassin. La haine, un condiment qu'on devrait éviter de manger à sa faim. Je fais partie de ceux qui sont partis prématurément. Pourquoi la vengeance? C'est la forme la plus sûre de la justice. Le vice cache souvent une vertu mal placée. Ce récit est une victoire pour tous ces mômes assassinés. Comme un homme fier, je retourne à la terre. Perdant ma vie, les prix, les biens pour satisfaire. Oui mais quand même, quelle cause me faites-vous payer? Mon sang coule mais mon cœur ne peut se vider. Comme un homme fort, abattu comme un porc. Même leur raison ne pourra jamais me donner tort. La haine me vole mes aimés. Une balle pour les larmes et le reste.